Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin, dans le journal de l'Histoire, vous revenez sur une question d'actualité, l'extradition. Et oui, la demande d'extradition américaine de Meng Wanzhou, directrice financière de l'entreprise chinoise Huawei, met le Canada au cœur d'une mêlée diplomatique tendue, tandis que Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, attend la décision de la justice britannique sur son sort après 6 années passées calfeutrées dans l'ambassade d'Équateur de Londres. La liste est longue des affaires de demande d'extradition qui ont crispé les relations internationales, des débats souvent tendus qui convoquent sur la table des négociations les bonnes relations diplomatiques, la souveraineté des États et les opinions publiques soucieuses de la préservation de leurs valeurs nationales. La question revient sans cesse dans l'actualité. Fallait-il extrader Carles Puigdemont ou encore Carlos Ghosn après son évasion épique du Japon? Aurait-il pu en faire l'objet? La réponse est non, voilà pourquoi. Si, en revanche, Carlos Ghosn était amené à se rendre en France, la question, par exemple, de son extradition au Japon ne se poserait absolument pas, puisque la France n'extrade jamais ses ressortissants. C'est un principe fondamental du droit français, à l'exception du mandat d'arrêt européen qui est très différent. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, que Carlos Ghosn se trouve au Liban ou en France, le risque d'extradition vers le Japon est inexistant. L'histoire de l'extradition est une histoire transnationale élaborée par les juristes, politiques et diplomates au XIXe siècle. C'est le sujet de l'article de Philippe Rigiel dans la dernière livraison de la revue d'histoire moderne et contemporaine. Débat souvent très technique, la remise d'un individu poursuivi en justice par une puissance étrangère à une autre met en jeu les souverainetés d'États qui se sont entendus ou non sur la qualité de leurs relations. Philippe Rigiel nous raconte les débats récurrents des 25 dernières années du XIXe siècle. La question de l'extradition est alors brûlante et occupe les juristes d'Europe et d'Amérique du Nord qui en débattent entre congrès et réunions au sommet. Le risque à éviter, l'incident diplomatique majeur qui pourrait troubler les relations commerciales et la paix encore si fragile. Avec les progrès des transports qui facilitent la fuite, avec l'explosion des échanges commerciaux au XIXe siècle, l'interconnexion entre les États ne peut plus être ignorée. Établir des règles communes sur l'extradition génère de grandes ambitions, mais se heurte à une autre question d'actualité, le crime politique. Si l'accord se fait tant bien que mal sur la protection des déserteurs étrangers, que faire des régicides à l'heure de la contestation des monarchies? La France refuse d'extrader Nicolas Hartmann en 1893, pourtant impliqué dans un attentat contre la famille impériale russe. Le crime politique met en jeu le droit d'appréciation des États souverains, un droit d'appréciation qui met en jeu son projet de société affiché. C'est d'ailleurs le motif de nombreuses prises de position dans l'espace public encore aujourd'hui. C'est un temps trouble pour les grandes puissances, ce seuil du XXe siècle, divisé entre empires dynastiques et nouvelles républiques. La contestation monarchique ne saurait être sanctionnée par un régime libéral, mais que faire des anarchistes coupables d'attentats qui occupent bientôt toute l'attention? Une conférence internationale leur est consacrée à Rome en 1898 sous le thème « Défense sociale contre les anarchistes ». L'extradition apparaît dans un premier temps comme l'outil juridique des monarchies bousculées, outil de défense d'un ordre révolu. C'est pourtant la concorde internationale qui va primer. L'extradition trouve une nouvelle justification dans l'établissement d'une version restrictive des valeurs des régimes libéraux. Une distinction est introduite entre crimes politiques et crimes antisociaux qui portent atteinte à la vie et la liberté humaine ainsi qu'à la propriété privée. Collectivistes et anarchistes ne peuvent plus bénéficier de l'asile puisqu'ils contestent l'ordre libéral désormais défini. Une issue consensuelle qui criminalise les répertoires d'action anarchistes, mais un consensus provisoire sur les crimes politiques et des débats qui ne cessent de rebondir au cours du XXe et du XXIe siècle, avec bientôt la peine de mort inégalement abolie par les États en ligne de mire. Merci beaucoup Anaïs. Alors, il n'est pas question d'extradition pour un podcast, on parle de téléchargement, donc pour podcaster le journal de l'Histoire ou simplement le réécouter, c'est sur notre site franceculture.fr.